Buenos días, bienvenidos y gracias de apoyar donde la start button. Nous sommes les frères Cassettes, vous êtes dans la barrique numérique, là où les jeux vidéo se rencontrent sans bug. Ni glitch. Petite thématique aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, on a décidé d'agrandir notre marché, puis d'aller vers l'international, puis aller full on espagnol. Ben on commence pas par l'Espagne, on commence plus par le Mexique parce que c'est plus proche. Ouais, ben ça c'est un détail, là, mais tu sais, éventuellement, là, ils parlent toutes la même langue, ils se comprennent toutes. Là, ça se ressemble tellement. Ça se ressemble tellement. Fait que ben c'était pas une pause, c'était pas une disette là, c'était rien de ça. On a toujours été là, c'est juste que t'sais, vous saviez pas, c'est tout, c'est pas notre problème ça. C'est juste ça. On faisait des épisodes secrets là, tu sais, il y a des humoristes qui font ça là, des shows cachés là, ben nous autres aussi on a fait la même affaire là, tu sais. Ouais. Sortait ça une fois de temps en temps puis c'était dans le vide là. C'est ça. Fait que on a décidé de revenir en force. Mettons. Ouais, bon, c'est vous autres qui avez jugé si c'était en force, là, nous autres t'as rendu là. Hein. Fait que qu'est-ce que t'as fait de bon, toi, pendant les vacances? Vacances? Ouais, tu sais, pas grand-chose, là. Ma jument est plus ce qu'elle a déjà été. Oh pis, boy, pauvre elle. Non. Ouais, pendant les vacances, elle a mangé un coup de vieux, je te dis. Elle a déjà été, mais elle l'est plus. Elle est plus ça, pantoute. Ah non, elle est plus ça, elle est plus ça. Non. Fait que, ben, c'est ça, nous autres, on s'était dit, il faisait beau dehors, il y a un petit peu de soleil, puis mettons, thématique soleil... un jeu qui rappelle ça. Dieu sait qu'il n'y en a pas des tonnes de jeux de soleil, tu sais. Pas tant, fait que vous avez maintenant 15 secondes pour le deviner avant qu'on vous le dise. On pourrait faudrait plugger le thème de Jeopardy, là, tu sais. C'est pas fou, ça. Bon, ben, mettons que ça fait 15 secondes. Ah, puis, on vous dit ça, c'était pas le jeu sur PC des Teletubbies. Désolé, là. Ça... Non, parce que moi, j'y avais pas joué. Fait que vu que les deux n'avaient pas joué au jeu, on pouvait pas le faire. Non, c'est ça. Puis ça a l'air que ça roulait pas sur ton Mac en plus. Mais ouais, qu'est-ce que c'est une cochonnerie. Ah non, moi, je suis pas une race maîtresse. Non, c'est ça. Fait que non, un petit rayon de soleil de jeux vidéo provenant d'un indie, Guacamelee. Oui. Que toi t'as déjà joué pas mal et que moi j'ai découvert sur le tard parce qu'il était gratuit sur le PS Plus. Ben c'est ça, puis moi j'avais découvert ça à PAX là, 3 ans je vais dire, mettons. c'est bien faire ce temps-là. Non c'est ça, un petit jeu que j'avais découvert là-bas qui était bien le fun puis que j'ai racheté par la suite puis j'ai eu bien du fun avec puis on a décidé d'en parler là parce que c'est un bon jeu puis ça mérite d'être connu même si la plupart du monde le connaît à Star anyway. Ouais, puis c'est surtout que là c'est la Super Turbo Championship Edition sur laquelle j'ai mis les mains. Ouais, c'est ça parce que les autres ils aiment ça rajouter des mots après, tu sais, pour rendre ça encore plus cool, t'sais. Plus de mots. En fait, ça c'était pour imiter les Street Fighter de ce monde qui ont le plus de mots après. Là, ouais, c'était ouais. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, là, quelque chose du genre. Là. Et 50 autres mots suivants. D'où ça vient, que ça mange en hiver, puis c'est quoi sa date de péremption. Là, ah, écoute, faut que tu aies tout dans le titre à cette heure. Tu peux plus laisser, non. Laisser place à l'imagination. Mais c'est pour ça que tous les jeux vidéo qui sortent à cette heure, un peu comme Horizon Zero Dawn, là, c'est plein de mots qui n'ont pas rapport ensemble. Non, c'est on ça. Sait plus qu'est-ce qui est le titre, qu'est-ce qui est l'acronyme, qu'est-ce qui est l'adjectif. T'sais. Tiens, je te dis, ça va pas faire des noms. Ouais. Mais quelque chose qui niaisera pas avec la POC, c'est la bière qu'on va se mettre dans la gueule. Ben ouais. Et qui dit Guacamelee dit bière de circonstance. Et que de mieux pour aller avec ce jeu-là que la Houblon Libre. Ben quinte, oui, avec un superbe luchador dessus. Ben ouais, qui vient de la micro du lac Saint-Jean. Donc, une bière forte à 7,7%. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner, mais fermenté à l'ancienne en fût de chêne américain, notre Black IPA a une nature indépendante. Ses 11 variétés de houblon, ses arômes de mocha et de malt torréfiés vous feront vous écrier « Vive le houblon libre ». Tu sais, quand on disait plusieurs mots, là, ben eux autres, là, c'est 11 sortes de houblon. Ah, ils niaisent pas avec ça. Ouais, on rallonge. Tu peux pas dire qu'il y a pas un goût là-dedans qui t'interpellera pas. Ah, mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Fait qu'on va bien voir. Ben, c'est ça. Allons-y pour le pichit. Bon, t'as encore de la misère, toi, hein? Ouais, mais... T'as pas appris. J'ai pas décidé d'investir là-dedans. C'est tellement pas cher, en plus. Ben, écoute. Fait comme ils disent, hein, Black IPA, moi, je m'attendais pas à ça quand on disait une ale forte. Ou non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Mais, en tout cas, ma foi, c'est foncé. Ça a une belle broue brunâtre. Puis, au nez, c'est... Ben, tu sais, ça sent la bière. Au nez, ouais. Je dirais que ça sent. Mm-hmm. On dit ça de même, hein? J'ai pris une gorgée de mousse sans t'avoir fait un chin, fait que je t'ai fait chin avant. Ben santé, ouais. Re-bienvenue dans mon garage. Ton humble garage. À date, j'aime ça. C'est pas trop fort. Pas non. Trop amertumé. Non, c'est quand même assez sucré. Mais c'est peut-être parce que la mienne est chaude, là, mais ça... C'est peut-être parce que la tienne est chaude. Et c'est peut-être aussi cet assortiment de grignotines qu'on a étalé sur la table devant nous. Écoute. On a un joli assortiment de pécan spécial, de croustilles, de saveurs soit jalapeno, thématique mexicaine. Et ou olive feta, thématique grecque. Ouais, et des olives nappées d'une amande en son sein. Nappées en son sein? Yep. Tant qu'à mélanger des provenances, là. Non, c'est ça, tu sais. Non, mais dessus, en dedans, c'est tout pareil. Anyway. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hashtag, tout est dans tout. Fait que, c'est quoi guacamélie? Ben, c'est un Metroidvania. On va commencer par ça. C'est un Metroidvania. Exactement. 2D side-scroll platformer, action RPG brawl. Ouais. Je dirais que le côté le plus... Le plus apparent qui sort du lot, c'est vraiment le côté brawler 2D plateforme. Ouais, ouais. C'est surtout ça que tu vas retenir. Là, parce que ouais, c'est la plupart du jeu, tu te passes ton temps à sauter d'une plateforme à l'autre puis à donner des coups de poing en face du monde. Ouais, fait que c'est comme un Super Mario Bros sur les stéroïdes. Sur les stéroïdes, ouais. Parce qu'il y a plusieurs power-up puis qui sont en permanence sur toi. Fait que c'est pas comme un système de ça te prend un champignon pour avoir une chance de plus de te faire toucher par l'ennemi. Non. Ta fleur pour garnoter des boules de feu. Non. Que non, tu perds. Tu sais, là, tu l'as avec toi, là. Mais c'est quoi l'histoire, en gros? C'est un luchador qui est dans son village. Puis le village se fait attaquer par les forces de la mort, on pourrait dire. ce qui veut tout dire. Juste avant le festival de la mort, en fait, qui allait se produire. Et ils vont kidnapper la fille du président, si je me trompe pas, c'est il ça? Il me semble, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que ces détails-là, ils vont me manquer, mais il me semble que c'est quelque chose du genre. Alors, dès le début du jeu, on doit aller sauver la princesse. Et malheureusement, dans le processus, on se fait tuer, mais on est ressuscité avec des super pouvoirs de luchador. Ouais. Et de là part notre aventure, sauver la princesse. Puis ça, on s'entend que des pouvoirs de luchador, c'est quelque chose, tu sais. Ben, on va commencer par ça tout de suite parce que, man, c'est tellement bien fait. Ben, certain. Toutes les attaques, bon, premièrement, on a des attaques bien basiques, là, des petits combos, tape trois fois carré, tu donnes trois coups de poing, puis, tu sais, là, c'est vraiment des petits moves basiques, mais tous les ennemis vont finir par avoir un triangle au-dessus de leur tête pour qu'on puisse leur faire une souplexe. Ouais, oh, ouais. Et hey, puis ça, c'est le fun, là. Mais ça, c'est un gros. C'est une grosse partie du système de combat aussi, c'est de pouvoir prendre l'ennemi puis le garrocher, tu sais. Ça aussi, c'est le fun parce que tu peux le prendre, le garrocher à travers une ligne d'ennemis puis eux autres vont tous se ramasser à terre. Ouais. Et le garrochage se fait de façon directionnelle et intensive. Pas intensive. Intentionnelle. Intentionnelle par le joueur, c'est ça. Il y a une petite flèche qui apparaît à l'écran puis tu tournes le joystick. Là, non, c'est ça. Parce que sinon, tu le perds. Mais sinon, ça fait en sorte que tu garnotes la patente d'ennemis bébites. Ben certain. Puis justement, tu sais, le fait que tu puisses contrôler où est-ce que ça s'en va, ben ça fait que c'est plus le fun. T'sais, c'est pas juste on le garoche un peu au random. Ouais. Tu sais, ça fait un peu penser à quand tu garoches un ennemi dans Turtles in Time, mais avec plus... Avec plus de force aussi. Ouais, c'est ça. Plus de force puis plus de contrôle, c'est ce que plus de contrôle, plus de force, puis plus de damage aussi, parce que le système de leveling est simple, mais très intéressant aussi. Ouais. On commence avec presque rien, puis tout au long du jeu, on va arriver dans des nouveaux environnements où on va, pour les bienfaits du punch, péter quelque chose. Évidemment. Puis quand tu pètes quelque chose, il y a un charmant bonhomme qui est comme un animorphe, qu'on pourrait dire. Ouais. Ouais, genre. Mettons, les animaux, c'est ça, les livres qu'il y avait là, avec le petit gars qui se transforme en bébite ou tu sais, oh, ouais, ben t'as le petit nerd qui se transforme en rat de laboratoire, t'as Sarah Jessica Parker qui se transforme en cheval. Ouais, ça, elle c'était pas officiel, c'était pas officiellement dans Animorph, là, c'était... Ah non, c'est vrai, c'est le contraire, c'est un cheval qui se transforme en... Exactement, exactement, okay, c'est dans la version inversée d'Animorph, ça. Amornif. Amornif. Sure. Mais on diverge. Les superpowers donc là, qu'on débloque, c'est soit un super coup de poing sur le côté, soit un uppercut par en haut, soit un down attack et un headbutt aussi. Puis c'est toutes des affaires qu'on est capable d'enchaîner pendant qu'on est dans les airs. Fait qu'on est capable de faire 4 gros coups sur nos ennemis de façon successive. Ouais. Et la plupart de ces attaques-là ont aussi un rayon d'action. Quand tu touches le sol, là, t'as comme une espèce de petit radius qui fait péter les ennemis. Non, c'est ça. Chacun de ces powers-là vont avoir des upgrades aussi. Fait qu'on ramasse des sous pendant qu'on tue du monde, tu sais. Ben, tuer du monde, ils sont déjà morts, là. C'est pas comme non, ben, c'est ça. Peut-être comme si on les tuait, vraiment. Parce qu'on s'entend que la majorité des ennemis, c'est des squelettes, là. Ben, c'est ça. Puis, puis on peut débarrer, là, à travers une multitude de tables alter-esque. On peut acheter ces upgrades-là. Ben, certain. Puis les upgrades passent de plus de vie à plus de coups pour faire nos super attaques. Ouais, parce que nos super attaques sont comme comptées, là. On en a un nombre limité. Ouais, ça, mais tu sais, ça, les power-ups, ça va améliorer pas mal toutes les phases de. Toutes les ta vie, la force d'attaque, puis ces affaires-là. Puis ça. Dans le fond, ça te rend juste meilleur dans tout. C'est ouais, ça que ça fait. Ouais. Fait. Mais au moins, t'as le choix. T'es pas forcé dans un style en particulier ou achète juste ces upgrades-là. Non, t'as le choix là, si tu veux y aller. L'upgrade n'est pas linéaire. Non, c'est ça exactement. Mm-hmm. Fait que ça, c'est toujours une bonne chose parce que ça fait en sorte que ça te permet de te concentrer sur ce que t'aimes le plus. Si tu te rends compte que tu manges pas beaucoup de damage, mais que tu veux donner justement toi donner plus de damage, ben tu peux t'en aller plus là-dessus au lieu de prendre du HP pour rien que finalement tu n'utiliseras pas. Ça, puis il faut faire aussi. Il faut marquer un point sur les différents costumes qu'on peut déverrouiller à force de jouer et de progresser dans le jeu. Parce que les différents costumes vont donner différents perks à ton bonhomme. Soit que tu donnes plus de damage, mais que ça prend plus de temps à la régénération d'un coup pour faire ton super attaque. Soit que tu trouves plus d'argent, mais que tu donnes moins de damage. Ce genre d'affaires-là. Fait qu'il faut. Il y a certaines scènes, certaines places dans le jeu où est-ce que c'est bien important d'avoir le bon costume. Oui. Pas que ça change drastiquement le outcome. Non, mais ça fait juste en sorte que ça peut être plus facile pour toi aussi de dealer avec certaines situations si t'as tel ou tel costume. T'sais. Fait que, grosso modo, le costume de départ, c'est pas mal le meilleur. Ouais. Parce que c'est celui qui te donne aucun handicap. Mais les autres, ce qui te donne en handicap, te sont quand même compensés par un pas pire de perk qui vaut la peine. Mais ça change ton style de jeu. Soit tu dois être plus défensif, soit tu dois être plus à l'attaque. Fait que fais attention. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment de comment tu veux le jouer. Tu sais, c'est des... C'est comme tous les trucs, justement, les jeux qui ont un petit côté RPG où tu choisis ton équipement puis tout ça. Souvent, ça va. Tu vas choisir ton équipement en fonction de comment tu veux jouer le jeu, comment tu veux jouer ton personnage. T'as une variété d'équipements puis de perks que tu vas avoir. Puis après, c'est juste de décider toi qu'est-ce que tu veux là-dedans. Ouais. C'est pas. On dit pas qu'il y a comme 500 000 costumes différents. Mais non. Il y en a quelques-uns. Puis justement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est pas un casse-tête à choisir la tactique ou le costume qu'on va avoir besoin. Là. T'en prends un, essaye-les, puis au pire, 5 minutes plus tard, tu le changes. Non, c'est ça. Ce qui est le fun, il y a en masse de ces tables de la mort là, dispersées à travers les différents niveaux pour qu'on ne se tanne pas trop longtemps, qu'on puisse le changer celui qui vive. Puis ça nous amène à parler des stages aussi qui ont une superbe variété d'environnements, de décors. Puis, man, les références qu'ils mettent à travers tous ces stages-là. Ouais. Ben moi je suis content, je veux dire, je regarde ça là, puis j'ai quasiment le poil qui me lève, Colin, tellement c'est le fun. Non, c'est le jeu il est charmant, puis tout transparaît, tout aide à rendre le jeu plus crédible et le fun. Ouais. Puis les environnements, c'est ça qui te permet de vraiment te pitcher dans ce monde-là. Ah ouais, t'embarques dans le jeu, puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans la plupart des niveaux, ils cachent des easter eggs. T'sais. Ouais. Puis t'as des références à d'autres jeux, puis des posters qui référencient Mario Bros, puis ces affaires-là. Ouais, ouais. Puis ça, c'est jamais explicitement dit. Ça sera jamais genre un gros Mario Bros ou quoi de même. Là, sauf que tu sais, ça va être... je sais pas, genre Two Plumbers ou quoi de même, tu sais, qui va te dire... Le poster qui est dans le haut de la ville, là. Ouais, ça, tu sais, c'est... Une référence à Minecraft. Ouais, t'as des références à un paquet de trucs, là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que justement, vu que c'est pas trop tape à l'œil, tu sais, faut vraiment que tu prennes le temps de regarder, tu sais, c'est comme, il me semble, ça me dit de quoi, puis ah oui, c'est ça, okay, ça c'est la référence à, ouais, ouais, voilà. C'est pas juste, genre, hey, t'as là une image de Mario Bros, tu sais, have fun. Non, c'est ça, c'est comme, mon état revient. Puis le légal aussi, tu sais, faut tout le temps faire attention. Légal. Non, mais. Fait que c'est ça, les stages. Vont vraiment suivre la courbe de progression du joueur parce qu'au début, on va avoir des plateformes assez très simples à plateformer, si on veut. Tu sais, c'est pas quelque chose de ben compliqué. Tu sautes de A à B et il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives à la fin du jeu, il faut que tu sautes de A à Y et que tu as tout B jusqu'à X. De B à X. Oh ouais, ça continue de même. Mais c'est pas un jeu de C à Z. Ah, Colin, oui. Fait tout ça pour dire que les stages sont quasiment en eux-mêmes des puzzles d'exploration. Ah, totalement. Parce que t'as pas le choix d'avoir ton power-up pour accéder à d'autres endroits dans les maps. Non, moi, je trouve ça fantastique. En fait, c'est justement la spécialité des jeux de style Metroidvania. Oui, voilà. C'est justement d'avoir un gros monde ouvert que même au début, tu vas avoir des places où tu pourras pas aller parce que t'as pas tel power-up. Fait que ça te prend un power-up pour y aller. Fait que là, éventuellement, dans le jeu, tu vas prendre ce power-up-là. Puis là, tu vas dire, ah, OK, il faut que je revienne en arrière pour pouvoir débloquer cette partie-là, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est tout le temps de penser à ce que t'as déjà vu en fonction de ce que tu vas avoir plus tard, puis tu sais, de pouvoir dealer avec ça. Parce que c'est pas toujours nécessaire de backtracker, mais souvent, c'est des trucs que tu vas débloquer qui sont quand même le fun pour le jeu. Puis, ben, c'est ça, des bonus. Des parties de cœur pour te donner plus de health, des parties de squelette pour te donner plus de points en banque pour tes super attaques. Mais ce que j'aime beaucoup de la world map, c'est que toutes les cartes vont avoir les petits blocs de couleurs qui correspondent aux power à utiliser pour aller à ces endroits-là. Fait que là, t'es capable de savoir, juste en regardant la map, « Ah, je viens d'avoir le power, mettons, rose. » Faut juste que je retourne à cet endroit-là parce qu'il y a bien du rose que j'ai pas pu ouvrir avant, tu sais. Non, c'est ça, parce qu'on s'entend que, tu sais, les vieux jeux de ce style-là, ils te le disaient pas nécessairement, tu sais. Fallait que tu y ailles bien gros avec ta mémoire, pis c'est comme « Ah, ben, je me rappelle que dans cette place-là, à peu près, il y avait une porte que je pouvais pas ouvrir. » Fait que là, si j'y retourne avec ce power-up-là, je devrais être capable. Ça, là, t'as pas trop à mémoriser les stages, plus qu'au moins passer du temps à les réobserver pour voir si t'as effectivement tout fait ou pas. Il y a un petit pourcentage dans le coin supérieur droit de l'écran qui va te dire si tu as complété les stages ou pas, là, mais évidemment. En même temps, c'est le fun. Non, c'est ça. Mais les stages, tu sais, sont autant verticales, sont autant super longs. Tu n'as pas tout le temps des plateformes ben évidentes à savoir comment les accéder. Puis c'est ça suit la courbe de progression du joueur. Au début, rien bouge. Plus que ça avance, plus qu'il y a des affaires qui bougent. Après ça, on va rajouter des pics. Faut que tu fasses attention à ça. Puis là, il y a des plateformes qui apparaissent, qui disparaissent. Changer de dimension. Ouais. Là, ça rouvre un autre genre de gameplay totalement. Non, c'est ça. C'est vrai, j'avais oublié toute cette partie-là qui est quand même assez importante. Oui, effectivement. Mais ouais, c'est vrai, tu peux switcher de dimension. Dépendant dans quelle dimension que t'es, le layout du stage est pas pareil. Fait que ça te permet de progresser. Puis, ouais. Ouais, fait que cette alternance entre les deux modes, si on veut, devient clé. Puis ce qui est comme niaiseux à dire, c'est que ça rajoute des pitons de plus dans ta séquence de combo de pitons à rentrer. Ah, ça c'est sûr. Mais ouais, ça complexifie la chose, mais n'en demeure pour moi que c'est un bon jeu. Non, c'est ça. C'est pas. Oui, éventuellement, ça devient complexe, mais c'est toujours amené progressivement. Fait que c'est pas. T'es pas overwhelmed, là, genre, en première mission, parce qu'il y a trop d'affaires, il y a trop de boutons, puis tu sais pas quoi faire, tu sais. C'est vraiment au fur et à mesure, tu sais, tu pognes un power-up, t'en pognes un autre, tu pognes une nouvelle attaque, tu pognes une autre attaque. Puis là, éventuellement, tu sais, au fur et à mesure, à force de les faire régulièrement, puis d'intégrer les nouvelles, ben là, ça fait partie de ton flow, tu sais. C'est pas juste. C'est pas juste genre, OK, faut que j'essaye de me patenter un combo de la mort, je suis pas trop sûr comment ça marche, puis faut que je gosse après les pitons jusqu'à temps que ça fonctionne. Ben, cela dit, pour les combos de la mort, dans la, bon, en guillemets, ville principale, là, il y a une place où tu peux aller entraîner ton luchador pour une séquence de combo là, qui est à peu près 15 pitons. Je te niaise pas, là. C'est deux coups par en avant. Tu fais un uppercut par en haut pendant que t'es dans les airs, tu fais une souplesse, tu redescends en bas, tu fais un headbutt, tu continues, tu ressautes avec, tu fais deux, trois autres coups de poing. Faut que tu sois capable de tout rentrer ça, puis bon, pas que c'est super intrinsèque au combo lui-même, mais il y a quand même un petit timing qui est bien important à maîtriser, parce que bon, toutes les attaques ont comme une espèce de cooldown, un délai, là. La première grosse batch, moi, j'ai eu pas trop de misère, mais la deuxième, là... Ah, on sait, tu peux pas juste button masher avec ce jeu-là. Non, que tu peux pas button masher. Ça sert absolument à rien parce que tu ferais pas les belles séquences de combos qu'on a la possibilité de faire. Non, ça, si tu fais juste donner des petits coups de poing tout le long du jeu, c'est plate en maudit. Non, en partant. Non seulement ça, tu vas perdre tout de suite. Non, c'est pour ça. Vraiment que tu utilises tes attaques. Il y a quelque chose de le fun dans la complexité avec des guillemets mimés qui paraissent pas à radio. Là. Ouais. Si jamais un jour on arrive avec la technologie hologrammique, holographique, holographique. Holo dans ta face, hic. Ben, c'est ça. On va vous les montrer. Ou tu sais, le jour où ma caméra va enregistrer pour plus que 30 minutes en même temps. Ouais, ça d'ailleurs, on n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Pas besoin d'en savoir plus. Non, ça devait être la bave down qui s'est ramassée sur ta caméra. Ouais, c'est un instant, même affaire. T'sais, soit la bave down ou un coq qui a jeté un œuf par-dessus. Puis ces affaires de la même. Les coqs ne pondent pas d'œuf. J'ai pas dit qu'il l'avait pondu, j'ai dit qu'il l'avait pitché. Ah, non, mais tu sais, maintenant, hein? C'est pas un bon papa, ça. Sacrifice. Faut tout me dire, hein? t'as dit. Ah, des choses qui arrivent, ça. Fait que on progresse dans plusieurs environnements différents. On a, ben, on est dans le désert des fois. On est dans une ville de canal. On est dans une grotte à un moment donné. On rencontre des ennemis. Ben oui. Et quelle sorte d'ennemis rencontre-t-on? Ben plein de choses. Il y a des squelettes, il y a des... Ben, tu sais, quand on dit armée de la mort, là. Ouais. Ben tu sais, imagine tout ce qui est mort, ben c'est ça. Mais j'allais dire, il n'y a pas d'humains, il y a des squelettes. Ah, tu vois. Ah, ouais. Tu c'est vois. Comme des bandits du désert parce que c'est des squelettes à poncho. Oh, oui, c'est sont ça. Ils sont le fun. Ils sont à poncho, ils ont un beau sombrero, puis tu sais, dans le fond, ils sont quasiment sympathiques. Ben, ils sont souriants pour des squelettes, non, je trouve. Non, c'est ça. T'sais, dans le fond, c'est nous autres les méchants, c'est nous autres qui cassent leur party. Ouais, ouais. Dans le fond, il y a toute une analyse philosophique à faire là-dessus. Là, ouais, c'est... T'as bien beau être le héros, mais tu peux quand même être le troute. Non, c'est ça, tu sais, parce que t'as beau sauver la princesse, mais t'es quand même en train de décimer une race, tu sais, qui eux autres, ils ont juste pris une opportunité dans la vie. Tu sais, il n'y a pas eu de table de négociation, pas eu de médiation là-dedans. Là. Ouais, ben en fait, le backstory du gros méchant du jeu, c'est un peu ça. Là. Il a juste comme. Il voulait pas perdre la compétition, il a signé un pacte avec le diable, puis merci, bonsoir, t'es mort, puis. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Mais non, moi, je te dis. On n'est pas si gentil que ça dans ce jeu-là. Ah non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Fait que parlant de pas être gentil, je te coupe la parole pour te dire que c'est maintenant rendu le temps de la gorgée du milieu. Ben écoute, ça a l'air qu'il faut faire ça. Ça passe vite. Ben quand même. Puis avoir le fond de mon verre, ça a passé vite. Fait que... Quand même, hein? C'est une bière qui est très, très, très bonne. On dit que c'est une black IPA. Je goûte pas tant le côté IPA de cette bière-là, plus que je la rapproche d'une porter. Ouais. Mais en fait, je trouve qu'elle a un côté vraiment plus sucré qu'une Black IPA, peut-être typique que je suis habitué de boire. Mais non, c'est ça, c'est le côté un peu plus malté qui ressort. Mais il y a quand même une petite amertume qui est là. Elle est pas grosse, mais tu le sais, en fin de gorgée, tu sais qu'il y a du houblon. Là. Ouais. Tu te trompes pas. Là. Elle s'apparente presque au café, cette amertume-là, moi je dirais. Un peu. Mais je pense à cause du malt aussi que ça donne un peu cet effet-là. Okay. Parce que, comme je dis, c'est ça, c'est très... C'est très... C'est pas une Mad Jack, là. C'est pas une bière sucrée de même, là. Mais en même temps, c'est pas de la bière. Ben, ils disent que c'est de la bière aux pommes. Ils disent. Je peux pas... Ben, God! Je viens de faire un dégât. Fait que au prochain épisode, là, si jamais c'est holographique, vous allez voir le beau dégât que j'ai fait. Parce qu'il s'est un peu... Ça l'a un petit peu moussé. Il s'est un peu pissé de la bière dessus, finalement. Fait que moi qui pensais laver mes jeans à soir, ben c'est clair que je vais les laver. Ben c'est ça, tu sais. Ben tu sais, c'est sûr que... Regarde, il y avait déjà du fumier dessus, là. Mais je les aurais reportés demain si c'était pas de ça. D'ailleurs, le sang qu'il y a dessus, je suis pas sûr d'où c'est qu'il vient. Là. C'est pas... Ça, tu peux pas savoir. Ah. Ça sera pour un autre épisode. Mais d'ailleurs, ça pour dire que d'ailleurs moi, j'ai pas revu ma jument, hein. Depuis les vacances? Ben, depuis que t'as du sang sur tes jeans. Hein? Ben ça, je te dis, moi, j'aurais reporté mes pantalons demain aussi. Okay. C'était pour te faire un message. Ah. Je pense qu'il faut que t'achètes des fleurs. Okay. Puis que tu mettes ton habit noir. Well. Mais c'est pas grave parce qu'on en a une nouvelle jument ici! Yeah! <Ouais! rire> Fait que, mettons qu'on continue dans l'épisode. Ben, en tout cas, moi, je trouve que la bière est bien bonne jusqu'à ce que je me la renverse par dessus. Non, c'est ça, tu vois, je vais essayer de m'en mettre moins puis de pas faire comme toi, tu sais. En fait, le truc, là, c'est regarde ce que tu fais ah. au lieu de pas regarder ce que tu fais. C'est parce bon, que, ça. Contrairement à moi, si tu regardes ce que tu fais, il y a pas de danger. Ah, c'était donc ou ça, ou il y en a moins. Ah, tu vois, regarde, moi, ça a bien été. Pis, c'est ça. Ça a fait un beau collet, tout est parfait. C'est ça. Moi, je regardais le collet, puis tu sais, de la bière, comment ça fait plus de bruit que d'habitude. Surtout avec moi, là. Moi, j'ai un historique de bière qui me pète dans la face ben, à l'émission. C'est sûr que toi, si tu penches pas ton verre quand t'as verse, ça se peut qu'elle fasse de la boue. Il était penché, mais je regardais pas. Ah, peut-être qu'il l'était pas. C'est ça, c'est ça. Il l'était pas. Ça dépend de l'angle, tu sais. Un 7 degrés, c'est pas assez. T'sais, faut y aller plus. Va falloir que je m'achète un petit bidule au laser là, pour me le dire. Non, c'est ça. T'sais, c'est pas ça ou juste un équerre. T'sais. Ah, tu mets un petit équerre. C'est là, pas assez technologique, ça. Moi, ça me prend plus de bits pour que, plus que, de bits. Que je comprenne comment ça fonctionne. Fait que si je... T'es pris hors de contexte. T'sais. Genre, ouais. Ça me prend plus de bits pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est votre job de genre faire un montage photo, là. Comme avec ça, tu sais, quote, là, genre, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, on vous lance un concours. Trouvez la meilleure photo sur les internets à laquelle vous y apposerez la mention « Ça me prend plus de bits pour comprendre comment ça marche ». Ouais, c'est ça, avec la, tu sais, genre en quote avec tiret Gilles Cassette 2015, tu sais. Voilà, puis le gagnant se méritera un beau retweet. Ah, écoute, un retweet. Ça vaut de l'or, ça, un retweet. Ah, écoute, avec nos 150 followers, avec genre... C'est moins que ça. On parlera pas de tout ce que tu spams. Pis, enfin, c'est ça. C'est, nous autres, notre following est bien gros sur le spam. T'sais. On devrait commencer à tweeter t'sais, les filles check louches. Là. On devrait commencer à leur répondre premièrement parce qu'on a un petit peu trop de demandes de party. C'est ça. Mais, want wives? Non, moi je te dis, on a un bon bassin de gens qui nous ben suivent. Ben oui, tu sais, les trois personnes, on vous aime. Oui, beaucoup. Et toi, notre cher auditeur à Chypre, on pense à toi régulièrement. On pense à toi. On sait pas si t'es encore là, par exemple. On sait pas si t'as suivi pendant le break. Ouais, on s'excuse et on fait tout pour toi. Prochain épisode, on le met en ligne, là. Hashtag Chypre, c'est clair. On envoie le mot, là. Non, c'est ça. Dans le fond, il est quasiment aussi loin que Poilman, tu sais. Regarde à ça, là, je pense que les deux sont à peu près à distance égale de où est-ce qu'on est présentement. Là. Fait que Poilman, si tu nous écoutes, t'es encore dans nos cœurs. Ça, c'est toujours le cas. Ça, écoute, tu repasses, on fait un épisode, puis tu sais, respect. Là. Ah ouais. Puis je vais profiter de l'occasion pour envoyer l'invitation à Jean-François Provençal aussi, qui apparemment est un amateur de jeux vidéo et de bière. Fait que qu'est-ce qu'il y a à manquer? Moi, je dis ça de même. Il y a tout, là. T'sais. Fait que hashtag... Jean-François Provençal à la barrique. Tout le monde, faites ça arriver. Là, t'sais, mobilisez-vous. Utilisez plein de hashtags. Ben, t'sais, faudrait le quoter aussi. Il faudrait qu'il soit en mention dedans. T'sais, parce que si tu fais juste mettre un hashtag... OK, c'est bon. En tout cas... Arrangez-vous que le message il se fasse. Ouais. Nous autres, on vient de faire la première étape. Là, puis là, on envoie ça sur les internets. Là, c'était vous autres à répandre le mot. Tu sais, quand il va voir qu'il y a trois personnes qui ont écrit ce hashtag-là, il va faire c'est qui cette gang de niaiseux-là. Et voilà. Puis finalement, ça n'a rien donné. Fait que... Non, c'est ça. On doit se mettre les attentes bien hautes parce que sinon, tu sais, ça va ressembler à Noël 96. Puis moi aussi. On parle pas de Noël 96. Non. Non. Fait que chassons ces démons de Noël 96 en parlant des démons que nous battons dans Guacamelee. Oui. Parce qu'il y a une, je dois dire, assez intéressante variété d'ennemis. On a des squelettes de taille dite standard. Oui. De différentes couleurs de poncho qui, eux, représentent le type d'attaque qu'ils ont. Là, après ça, on va avoir... Ben, tu sais, ça passe du gars qui fait juste attaquer normalement à celui qui te pitche des os. Ouais. Qu'il faut que t'évites parce qu'ils te font mal. Puis t'en as d'autres, là, ils sont capables de faire des espèces de slide attack, là, puis ils t'évitent. Ouais. De là, on a des gros armadillos. Oui, aussi. Qui, eux, vont faire des boules. Ils vont se bouler sur toi. Ben, écoute, ça veut tout dire. Sur toi, bouler. Ouais, c'est ça, sur toi, bouler. Pas pire. Ouais, non, mais ça, puis ce qui est le fun, c'est que chaque ennemi, justement, il a sa façon de t'attaquer. Fait que, tu sais, faut que tu changes ta façon de l'attaquer puis de te défendre en fonction de cet ennemi-là. T'sais. Et surtout quand ces ennemis-là commencent à avoir des boucliers autour d'eux. Ouais. Boucliers qui vont porter une couleur qui va correspondre à l'attaque qu'on doit donner dans le bouclier pour le casser. Parce que jusqu'à ce qu'on fasse cette attaque-là, il n'y a aucun dommage qui sera infligé à l'ennemi. Fait que, bon, je vous donne un exemple. Mettons qu'il y a un ennemi qui est couvert de bleu, ça stipule qu'il faut y faire un side punch pour le briser. Toutefois, on déborde le mode Intenso dans le jeu. Ça, c'est comme un juste super power-up, là, puis t'es presque invincible, puis tu sautes dans les airs, puis tu cries olé-olé, là. Puis n'importe quel coup qu'on donne à des ennemis qui sont en mode shield pendant qu'on est en Intenso, on va le briser. Ouais. Fait qu'il y a une délicate balance à trouver entre est-ce qu'on est capable de tout péter sans utiliser le Intenso qu'on garde pour plus tard, parce qu'une fois que le meter est complètement fini, le seul moyen de le remplir, c'est en tuant les ennemis ou en ramassant les petites boules que certains ennemis donnent. Non, c'est de gérer, dans le fond, quand est-ce que tu veux l'utiliser. Il faut que ça soit optimal dans tes combats. Parce que si tu ramasses à une place où tu dis « Ah, je vais l'utiliser là », puis finalement, c'est super facile, puis tu arrives à une place vraiment dure, puis tu ne l'as plus, tu vas peut-être sacrer un peu. T'sais. Règle générale, le Intenso, il n'est pas nécessaire tout le temps. Non. C'est pas comme s'il fallait que tu l'aies à chacune de tes séquences de combat pour survivre. Non, mais tu sais, c'est un peu un... un easy way out quand tu commences à avoir de la misère. C'est vraiment genre, je sens que je suis un peu overwhelmed, puis qu'il y a trop d'ennemis, ou c'est pas facile, ben là, tu le pars, puis tu rentres dans le tas, comme dirait l'autre. Ouais. Toutefois, j'allais dire quelque chose que j'ai complètement oublié. Alors, je vais me retourner en disgrâce. Non, et c'est manger ça, une chip. C'est ça, mange ta chip. Mais moi, une des choses que je voulais parler, en dehors du gameplay, c'est... cette douce son de chip. Ça goûte le gel à la panneau. C'est ça. C'est la présentation du jeu qui est absolument magnifique. On a skippé un peu au début, mais honnêtement, le jeu est d'une beauté incroyable. C'est quasiment de la peinture vivante, là. Vraiment, il y a contrairement aux jeux bruns de ce monde, ouais, c'est ce jeu-là regorge de couleurs, il en déborde même. Oh, et c'est comme un party pour tes yeux et toutes les couleurs sont invitées. Oh! LOL! Même les couleurs qu'on voit pas, hein? Je te dirais qu'il y a sûrement tellement de couleurs qu'on voit pas dans ce jeu-là. Non, c'est sûr qu'il y a deux dimensions, tu sais. Non, ils c'est ça. Tu peux pas toutes les mettre dans la même. Exactement, dimension, les palettes de couleurs, fallait qu'elles soient splittées. Ouais, ouais. Mais effectivement, là, c'est comme regarder un bonhomme le samedi matin dans la qualité des dessins là. Non, c'est ça, parce que tu sais, faut comprendre ça, c'est un jeu en 2D, c'est pas du 3D, fait que c'est des dessins, c'est fait à la main, mais tu sais, tout est à relatif là. C'est pas fait à la main parce qu'il y a un ordi qui l'a fait, mais est-ce que l'ordi a été fait à la main? Ben, en théorie, non, parce qu'elle a été faite par une machine dans une usine. Est-ce que la machine a été faite à la main? En théorie, non, parce qu'elle aussi a été faite par une machine dans une usine. Mais là, la c'est comme le problème de l'œuf et la poule. Tu sais pas ce qui est arrivé. Bah. Il n'y a pas de début à ça. Bah. Mais non, c'est ça. Fait que le visuel est absolument hallucinant. Puis ça, c'est justement quand je te disais que j'étais allé à PAX puis j'avais découvert là. C'est justement à cause de ça, c'est à cause de la présentation que ça m'avait frappé. Tu sais, c'est un tout petit bout. C'est un petit kiosque qu'il y avait. C'est passé Drinkbox Studios qui font le jeu. Puis ça, eux autres, il y a vraiment un petit kiosque de rien. Il y avait comme deux télés, deux tables avec deux télés. Puis OK, je vais l'essayer. Tu sais, ça a l'air sympathique. Puis ça m'a gagné super rapidement. Tu sais, du moment que tu as passé 2 minutes à jouer, t'es comme OK, il y a vraiment de quoi. Ouais, ouais. Mais non, c'était quelque chose, c'était vraiment cool parce que leur table, puis tout ça, ils étaient tous décorés en fonction de justement des luchadors. Puis tu sais, de la fête de la mort. Puis tout ça, fait que t'avais des squelettes. Puis des affaires de même. C'était vraiment cool. Pas payé ça. Puis bon. Qui dit jeu à thématique mexicaine, on dit musique de mariachi. Évidemment. C'est de la musique de mariachi, juste assez épique, qui joue tout au long du jeu. Et bon, moi, je pense. Il y aurait certaines personnes dans mon logis qui se seraient probablement tannées d'entendre cette toune-là. Parce que j'ai joué quand même pas mal au jeu. T'es sûr que c'est pas justement la jument qui s'est plainte, puis c'est pour ça que. On y reviendra, t'es plus là avant ça. Okay. Mais non, c'est ça, c'est une belle musique de guitare, de trompette, puis ça fit. C'est juste le fun, la musique en tant que telle est comme enjouée, elle fait juste rajouter au sentiment de plaisir qu'on a. Il y a quelque chose quasiment de western là-dedans, tu sais. Sergio Leone, ouais. Ouais, c'est ça, là, ouais, spaghetti western, tu sais, on veut des ouais. C'est pas tant une histoire de vengeance comme la plupart des films western non, le sont. Non, mais il y a quelque chose de spaghetti western, je trouve, dans la vibe du jeu puis tout ça. Ouais, c'est une quête du bien contre le mal. Ouais, toujours. Tout aussi simple mais que ça. Mais tu sais, c'est un jeu que c'est pas ça. Anyway. Opelai. Scrabble? C'est dur de décider qui est le mal là-dedans. Ouais. C'est-tu le board, c'est-tu le toy, c'est-tu les lettres? Les lettres peuvent écrire le mot mal et le mot bien. Ah, là, parle-moi pas là-dessus, man. C'est fucké, ça. Les hosties de Parker Brothers, les tabarnak. Je te jure, eux autres, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de faire des jeux. Ils font des jeux, ils mêlent tout l'esprit, on est tous brainwashed après. Dans le fond, c'est eux autres qui ont un problème. Le premier problème de jeu, c'est eux qui l'avaient. Ils ont pas misé sur eux. Puis ils ont tous sorti leur frustration. Ah, fait qu'ils ont pas suivi le conseil de l'Auto-Québec. Non. Ils ont pas misé sur eux. Non, pas tout, c'est ça. Fait que eux autres, il y avait un problème de jeu. Tellement qu'ils ont fait des jeux pour que nous autres, on joue à leur jeu. Puis qu'on ait des problèmes de jeu. Exactement. Fait que c'était un gros cercle qui tourne, ça. Ça, là, c'est un cercle qui tourne, man. C'est... Petit Parker Brothers. On aime ça les jeux, mais tu sais, avec modération. Non, c'est ça. Fait que contrairement à la bière. À partir de maintenant, on peut partir de hashtag Fuck Parker Brothers. Je pense que c'est clair. Là. Moi aussi, si je vois pas ça trendy, le jour que l'épisode sort, je vous jure que ça ira pas bien. Monopoly, est-ce que c'est Parker Brothers ou c'est une autre compagnie de genre? Je pense que c'est Hasbro, mais je suis pas sûr. Ok, ok. Parce que là, il faudrait pas partir des guerres de jeux. Non, c'est ça. T'sais, Hasbro sont quand même, t'sais, sont corrects. Ils sont pas trop OP. Mais hey, Parker Brothers. Je sais pas, man. Parce que moi, Hasbro, là, ils ont quand même donné la permission à Michael Bay de faire des films de marde. Y a ça. Puis quand tu dis que t'as ben, au moins 3 gros films de marde sur 4, là. Mais tu sais, c'est peut-être le Lesser Evil aussi là-dedans. Là, ouais, puis on parle pas de Guacamelee en ce moment. Fait non, non, non, putain, mais, rapport, mais... En même temps, tout le monde triple, tout le monde, il capote. Là. Ils nous entendent parler de Parker Brothers, puis oh, ils ouais. se font déjà leur pancarte pour aller faire des manifs dans la rue. Aussi, puis, il est où le siège social de Parker Brothers? Je pensais justement à ça, puis je pense que c'est une très bonne idée de pas le mentionner en onde. On va laisser tomber le projet. C'est d'un coup nos 3 fans est là, tu sais. Hey. Imagine si le gars de Chypre, il partait, puis il s'en... Nous autres, on n'est pas responsable des coups que ça va engendrer. Là. De un, puis on veut pas partir un conflit international rendu hey, là. D'un là. Coup que la Troisième Guerre mondiale part à cause de ça. Là. Hey, ce serait-tu drôle, ça? C'est comme un innuendo à cause d'un tweet qui se déclenche la Troisième Guerre mondiale. Mais si tu finalement, j'aimerais ça que ça parte de même. Tant qu'à déclencher une troisième guerre, non, aussi c'est... bien que ça parte d'un tweet. S'il y a une zombie apocalypse, aussi bien que le Patient Zero. Comme ça, c'est toi qui pars tout, puis t'es tellement mort de bonheur que tu vois plus le problème. Ah, c'est ça. C'est de même, faut le voir. Yes. Fait que Guacamelee, c'est un excellent jeu vidéo. Ben écoute, faut le voir de même. T'sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Parce que ça aussi, c'est que faut dire qu'avant, ce jeu-là était juste disponible sur ce qu'on appelait le current gen, mais tu sais, à cette heure, c'est la old gen. Fait que les vieilles consoles puis PC. Puis là, ils ont décidé de sortir ça sur la nouvelle génération avec la version PS4. Puis tout avec ça. Probablement plus de graphiques. Ben, je pense pas que les graphiques ont été améliorés, mais je pense que c'est... Pas améliorés, juste plus de graphiques. Plus de graphiques, ouais, fait qu'il y a comme plus de pixels. T'sais. Ben, HD, c'est plus de graphiques. En théorie, c'était déjà HD avant. C'est ça de même. Là. Non, mais là, c'est en 4K. Là ça va, tu sais... Ta PS4 fait du 4K, toi? Dans ma tête, oui. C'est ça. Tu sais, quand je bois 3-4 bières, là, puis que j'enlève mes lunettes, là, puis tout devient flou, là. C'est du 4K, ça. C'est ça, du 4K? Parce que t'as 4 pixels. Tu vois 4 pixels, ah, ouais, c'est pas ouais, ça. Ah ouais. Moi, je vois 4 couleurs. Pas plus. Qui c'est qui a besoin de ça, des couleurs, anyway? Probablement pas les daltoniens ou les chiens. Ou les chiens. On parle juste de couleurs ici, là. Non, c'est ça. C'est juste de ça. C'est dur de pas partir sur une tangente. Donc, ben, c'est parce que je pense que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parti sur des tangentes que c'est là que ça sort. Non, c'est ça. Dans le fond, ça nous prendrait les épisodes juste de tangentes. Tu nous passes un sujet, puis écoute, on en a pour 40 minutes à ouais, partir ouais, sur une ouais, tangente ouais, qui n'a ouais. pas rapport. T'sais. Parlant de tangentes, on n'a jamais fait d'épisode parce qu'on fait juste critiquer la bière, puis la gorgée du milieu, c'est un jeu qui dure 30 secondes de critique pour retourner sa bière. Je pense que le monde s'emmerderait rare. Ben, j'y ai pensé, je me suis dit, ça serait un super beau poisson d'avril à faire. Ça, oui, mais tu sais, pendant, quand ça fait genre 25 minutes que tu parles d'une bière, à un moment donné... La même, là. T'sais, la même, oh, ouais. Ouais, tu prends pas la meilleure, là. Tu vas avec une Old Milwaukee. Oh, ouais, Milwaukee oh, une Black Label. C'est de quoi de même. Là. Mais tu sais, la Black Label forte, là. Tu sais, pas la cheap. En fait, là. Non, ce qu'on devrait faire, c'est l'éventail des Black Label. On devrait en avoir une de chaque. Cowboy. Tu sais, là, la light, la normale, la dry, la super dry, la jusqu'à la Big Ten. Je suis pas sûr qu'il y ait pas tant d'éventail de Black Label. Ah, c'est parce que tu tiens pas dans les mêmes dépanneurs que moi, mon gars. Le gars, il brasse sa Black Label dans le backstore puis il la met en vente sous Mais oui, sous Black Label, ils ont comme donné leur recette au monde. Tu peux juste prendre la recette de la Black Label, la faire dans ton bain puis la vendre au ton dépanneur. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est considéré comme de l'alcool de patate, fait que c'est correct. C'est, pas... c'est entre ça puis de l'alcool qu'on trouve brassé dans les cellules de prison, il n'y a pas grande différence, je pense. Non, il y a ça. Fait que quand tu vois un gars boire de la Black Label... Moi, je douterais de ses provenances. Moi, je douterais du gars point. Si y a beau et il y a du fun, moi, je me poserais des sérieuses questions. Ouais. Fait qu'on va quand même peut-être remercier Budweiser d'avoir repoussé la Black Label plus loin. Non, c'est ça. Mais on l'apprécie pas plus. Non, pas en tout. Elle est quand même dans notre top de bière de marde. Ouais. On a plusieurs tops. Ah, il y a plusieurs tops. Un top de bon et un top de pas. Mettons, de niveau marde, la Black Label, c'est comme la Duke Nukem Forever. C'est... Mettons, là, tu sais. Ça a pris 15 ans à faire, puis ça valait pas la peine. Ah, Chris, non. Ah, Chris, non. Puis t'as des bières comme la Laurentide que t'aimerais donc se revoir sur toutes les tablettes, tu sais. Je connais un bar où il en sert. Oui, je sais. Quai. Moi aussi. La Laurentide en fût, mais tu sais, ça. En fût? Ouais, je l'ai vu en fût, man. Shit, man. La Laurentide en fût. Okay. Ça prendrait de la O'Keefe aussi, de la bonne grosse O'Keefe tablette. Ouais, ouais, ouais. Fait, autrement dit, nous autres, on est fanatiques de bière de mon oncle. Je pense que c'est un peu ça, notre créneau. Là. C'est ça que ça prend. C'est pas parce qu'on a fait genre 20 épisodes sur de la bière à microbrasserie que c'est ça qu'on aime, là, voyons. Non, mais c'est parce qu'on a vu que le monde sipsterisait un petit peu puis que ça s'en allait là, le marché. Là. Fait, non, c'est ça, nous autres, à chaque gorgée, on leur crache d'un bucket. Là, je veux dire, ouais. On n'a pas de fun. Là, vous dit qu'on aime ça, c'était pas vrai. Là. Non, hey, c'est tout du fake, ça. Là, hey, sérieusement qu'on va mettre des produits bio dans notre corps, voyons donc. Fait. Amène-moi la bouteille de Cheese Whiz que je vais en mettre plein à la gueule. Hey, baliverne, hein? Cool. Fait Guacamelee. C'est un excellent jeu. 2D, platform, side-scroll. Brawler. RPG. Metroidvania. Ben, t'as gagné. Buzzwords. Game of the Year. Édition. Édition. Et jeux vidéo. Fait que c'est un peu ça qui est le Super Turbo Championship Edition. C'est un peu ça. Là, c'est, ouais. C'est un peu un Game of the Year. Parce que justement, ça ramasse toutes les DLC qui avaient sorti par après la sortie de base, oui, du jeu. Ouais, parce ouais. qu'en fait, il y a trois versions, je ne me trompe pas, Guacamelee. Tu as la version normale, tu as le Gold Edition, qui je pense est juste sur PC. Puis tu as le Turbo Championship machin et truc. Là. Que lui, c'est comme Super la version Turbo, ouais, c'est ça. Édition. Fait que ça, c'est la version comme définitive. Ça, c'est genre, il n'y a rien d'autre après. Okay, okay. Mais moi, il y a une question qui me tracassait, c'était est-ce que cette version-là a plus d'ennemis différents que la version qui aurait été critiquée par, oh, je sais pas moi, Bruno Georget de Rétro Nouveau? Parce que j'ai écouté leur critique vidéo. Le gars, il a l'air de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Moi, je trouve qu'il y en a pas mal de différents avec des variantes assez intéressantes. Bon, ben, je pourrais pas te dire. Là. J'ai pas de preuves tangibles sur. Puis j'ai rien trouvé sur le wiki, mais ça. Parce que ça me tentait pas de chercher. Bah bon, mais tu sais, toi après deux pages, anyway, tu te tannes, fait que ça change rien. Man, je clique Enter, je suis déjà parti ailleurs. Ouais, on sent ça, ah, ouais. Tu tapes Guacamelee dans Google, tu fais Enter, tu cliques sur le premier lien, puis tu signes. Je suis déjà en train de checker c'est quoi les statistiques de Carey Price pour la saison prochaine. Hey, il va l'avoir, le Hard Pit Vezina. Oh ouais. De toute façon, du moment que ça va être sorti, on va savoir s'il l'a ou pas. Probablement. Tout ça pour dire que Guacamelee, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Il y a du multiplayer, en tout cas, du moins, ouais, sur la version... Ben, tu peux jouer à deux joueurs. Jusqu'à quatre, même, sur la PS4 à ce temps. Ah, tu vois. Quatre manettes. Pas au courant. Moi, je sais que j'avais joué à deux joueurs avec ma blonde, mais j'avais pas, je savais pas que ça pouvait aller jusqu'à quatre. En tout cas, mais tu devrais avoir une console de nouvelle génération. Peut-être que tu serais à jour, ouais, avec tes affaires. Ouais, mais tu sais, dépenser des centaines de dollars, puis ces affaires... Des centaines de dollars, c'est pas des milliers de dollars. C'est 10 fois moins que. Fait que c'est pas si pire. Ouais, c'est sûr. Bon. Vu de même. Hein? Puis on a-tu fait un bon retour là, sur la vente de belles de foin pas correct qu'on n'a pas dit aux autres? Là? Hein? Parce que tu viens un peu de le dire. Ouais, mais ils savent pas à qui que je l'ai vendu. C'est pas mal tout le monde qui nous écoute. Là, fait que notre belle de foin est parfaite. C'est un petit lapsus que je viens de faire. Non, c'est ça. Il savait pas de quoi qu'il parlait. Bref, il y a du multijoueur. Beaucoup d'heures de plaisir, mais pas trop quand même. C'est un jeu qui va se terminer en, moi je dirais, 20 heures. Là. Si tu mets 20 heures là-dedans, là, c'est parce que t'as vraiment été ouais, chercher c'était poussé. Toutes les affaires bien cachées. Non, je pense à un 10-15 heures d'habitude, t'as fait le tour. Ouais, ben, moi, il y a 15 heures de rentrée dans le jeu, mais j'ai fait beaucoup de backtracking. J'ai essayé bien des affaires. Il y a des puzzles d'environnement là, que j'ai essayé à maintes reprises parce que je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, mais la séquence de doigts, tu sais, quand t'as une bière dans le corps et tes doigts veulent pas non, faire ce que le cerveau il dit de faire, c'est tannant. Qu'est-ce que c'est ça des doigts, no? C'est des affaires qui font des autres affaires. ça pointe puis ça envoie promener, que j'ai entendu dire. Ah, pratique ça. Puis c'est un jeu qu'on vous conseille fortement. Alors on arrive au verdict. Ben oui, avec toute cette tangente-là. Ouais. On va le laisser dans l'épisode, il n'y aura aucun montage. Là. Qui c'est qui a besoin de montage? Eux autres, ils trippent. Check Lee. Ah ben oui, que non. Plus. Non mais gars, j'avoue, lui, il est en train d'applaudir présentement. C'est qui triple. Ça nous prendrait le public en délire de l'épisode de Noël. Wouh! Incroyable! D'ailleurs, on salue vraiment Imberbe. Oui, oui. Pourquoi pas. Fait que, bon, moi, verdict, cette bière-là, moi le dire de même, là, fucking bonne. Ouais. Puis je vais dire aussi fuck l'OQLF parce que tu sais, on mange la marde de la tabarnak. Non, mais des fois, à un moment donné. Non, c'est une excellente bière. Elle est foncée, elle est opaque, mais elle a pas cet effet-là d'engueule. Non, elle se boit quand même bien. Je te dis pas que j'en boirais 12 d'affilée, là, mais. Non, parce qu'à 7,7%, tu peux pas en boire 12 d'affilée. Si t'en bois 12 d'affilée, tu passes free. Tu te réveilles dans le monde des morts, comme notre protagoniste de Guacamole. C'est ça. Et voilà. Où tu te réveilles dans un caniveau avec plein de factures, puis en tout cas, peu importe. Ça arrive. Non, c'est ça, vraiment une bonne bière. Je suis surpris. Oui, puis non, je m'attendais pas à ça, mais... Je m'attendais à une Black IPA qui était peut-être plus amère que ça, mais finalement, c'est comme je dis, il y a vraiment plus le côté sucré qui ressort, fait que ça m'a surpris un peu. Mais tu sais, cette micro-là font tellement de la bonne job que. Ouais. En même temps, je suis pas vraiment étonné. Là. Je veux dire, j'ai déjà essayé une couple de leurs bières qui étaient toutes pas mal bonnes, fait que. Tu sais que ça va être bon pareil dans la gueule. Là. Effectivement. Encore faut-il être un amateur de Black IPA? Ce qui n'est pas explicitement écrit sur le devant de la bouteille, non, faut vraiment lire le côté. Non, la description. Tu sais. Je m'attendais pas à ça. Moi, une strong ale, moi, je me serais attendu à une IPA foncée, mais pas noire de même. Là. Non, c'est ça. Puis finalement, ça se boit bien. Tu sais. Il y a un bon facteur IL. Ah oui, tout à fait. Ça, on ne peut pas le nier. Nul n'est impossible de le... Fait que le jeu ou la bière? Moi, c'est une combinaison des deux. Ouais. Encore. J'adore le jeu. D'ailleurs, quand l'épisode finit, je pense que je vais retourner à Guacamole pour progresser. Parce que je l'ai pas fini encore. Il me reste plein de choses à faire. Mais j'aime jouer à ce jeu-là. C'est le fun. Il y a de l'action. C'est dynamique. La musique est bonne. Il y a des maudits bons challenges. Autant dans le système de combat. Parce que t'as vague par-dessus vague, puis une amplification de la quantité d'ennemis. Il faut que tu... C'est une belle progression. Ouais, faut que tu penses à ton affaire, que t'as des bons challenges aussi dans le domaine de l'environnement, fait que du platforming extreme, là. Ouais. Le Top of Trees. Tree Top, que ça s'appelle? Ah bon, il se fait longtemps, je sais pas. C'est le pire. Vous irez checker ça sur Google. Guacamole Tree Tops, là, c'est le pire puzzle de platforming à faire ever. Ça prend de la patience. Tout jeu confondu. Ah, sérieux, là, il y a quelqu'un qui s'est dit « Je vais faire chier du monde avec ça, puis ça me tente. » C'est correct. Fait que j'ai adoré le jeu, je continue à l'adorer. Cette bière est super bonne. Je vais sûrement aller m'en prendre un autre pour continuer ma game tantôt, puis c'est pas mal ça. Ouais, ben pas moi, je vais y aller. Ouais, j'hésite entre les deux ou le jeu, tu sais, parce que l'affaire, c'est que... Tu peux pas en boire 12. Les deux sont excellents, mais je pense que le jeu, c'est celui qui m'a surpris le plus. C'est vraiment un hidden gem qu'il appelle. Ouais, genre un petit bijou caché de genre, je m'attendais à rien, je suis tombé là-dessus, j'étais comme, ok, c'est vraiment malade. Fait qu'à cause de ça, j'aurais tendance à y aller plus vers le jeu, mais c'est une christie de bonne bière aussi. Fait que dis donc les deux pour une fois. Ah, les deux, les deux. Enfin. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode de la barrique numérique. Oui. On vous remercie amplement d'avoir été des nôtres pour encore cette fois. Et on va espérer qu'on en fasse un autre plus vite. Mettons. Ouais. Fait que tout ça pour dire, si vous avez des suggestions, commentaires, menaces, vous pouvez les diriger vers nous sur notre compte Twitter. Et ou notre compte Facebook. Page ou compte Facebook? Page, compte, c'est dans mes affaires. On est sur Facebook. On est sur Internet, là. C'est ça, là. Google that. Hey, Google l'interweb au complet, puis tu vas nous trouver. Ouais. Fait qu'on s'appelle la barrique numérique, si tu veux comment savoir bien le googler. Ouais, c'est ça. Tu sais, au cas où t'étais pas sûr du nom du show, là. La barrique numérique. Avec deux R. Pour barrique, pas pour numérique. Ah, il y en a qui seraient tentés de l'essayer ailleurs. Fait que, ben c'est ça, on va essayer de travailler fort pour les prochains épisodes. On vous remercie beaucoup d'être là. Vous avez des challenges, chers auditeurs, hein? Il y a des hashtags à rentrer, Il y a des hashtags, moi... Il y a des gens à contacter, puis il y a des rendez-vous à organiser, là. Hein? Ouais, pis... fuck Parker Brothers. Oui, premièrement. Non, vous utilisez hashtag fuck Parker Brothers. Hashtag fuck Parker Brothers. Et puis à GF Provençal, on t'attend, toi, là. Non, c'est ça. Puis juste te dire ça, là, j'ai une boîte d'Oreo cachée en extra au cas où, là. Non, c'est ça. Mais on n'a pas de sandwich fuck mes artères, par exemple. Ça, on les a toutes mangées, désolé. Déjà, ouais. Puis ta jument, là, ben c'était un petit peu à cause de ça. God, maudite affaire. Fait qu'oubliez pas de peser sur pause et de cliquer sur continue. Puis à la prochaine. Bye bye.